qui compte sur toi. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui compte sur toi ce soir. Maman, il n'y a que Dieu qui te connaissait depuis la jeunesse. Dieu te connaissait. Jusqu'à présent, il est toujours avec toi. Quel que soit le moment que tu traverses, mais Dieu ne t'abandonne pas. Il te sécurise et avance avec toi. Même ce soir, le vendredi dîner, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame encore pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous commençons par dire merci à notre Dieu. Parce que c'est lui qui a nos vies dans ses mains. Sans oublier notre papa qui nous donne des privilèges de tenir devant vous ce soir pour vous parler. Sans oublier mon frère qui était avant moi, celui qui vient de modérer, que Dieu l'assiste encore, que Dieu a protégé. Sans oublier, vous tous, vous êtes ici présents, que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Notre thème de l'année nous dit ceci: va avec cette force que tu as, délivre Israël. Alléluia. Dans la main de Madian. Alléluia. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Bien-aimé, chacun de nous a une force en lui. Que Dieu nous bénisse. Chacun de nous a une force. C'est la force là. Cette force que tu as là. Dieu te la demande. Que tu pars avec cette force. Va. Va. Ne t'arrête pas. Mon frère, ne t'arrête pas. Nous sommes dans le chemin de la vie. Nous sommes dans le chemin de la vie. Bien-aimé, si tu t'arrêtes seulement, si tu t'arrêtes, c'est ton problème. Si tu t'arrêtes, je t'ai dit ce soir, si tu t'arrêtes seulement, c'est ton problème à toi. Le problème, il faut que tu pars, que tu avances avec la force que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, ne te néglige pas. Tu as une force en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. C'est toi-même peut-être ne connaissais même pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais Dieu te dit ce soir, va avec cette force que tu as. Pour faire l'œuvre de Dieu, va avec cette force que tu as. Là, il nous ajoute encore le sous-thème qui nous dit ceci. Trois pouvoirs de Dieu sur ses enfants. Bien-aimé, trois pouvoirs. Pourquoi Dieu n'a pas seulement un pouvoir? Pourquoi Dieu n'a pas seulement deux pouvoirs? Mais ce que j'ai compris, on nous dit que Dieu a trois pouvoirs. Est-ce qu'avec ça, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Avec ça, tu peux acclamer encore parce que Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir. Ce n'est pas un seul pouvoir. Mais Dieu a trois pouvoirs. Et puis les trois pouvoirs là, c'est pour qui? C'est pour ses enfants. Est-ce que ce soir, il y a l'enfant de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enfant de Dieu? Dans cette salle, il y a quelqu'un qui est enfant de Dieu. Parce que Dieu a besoin d'exercer ses trois pouvoirs dans ses enfants. S'il y a un enfant de Dieu ce soir, sache très bien que Dieu va exercer ses trois pouvoirs en toi. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a besoin de ses enfants. Qui a besoin de ses enfants. Bien-aimé, qui est l'enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu ce soir? Que Dieu a besoin qu'il puisse exercer ses pouvoirs. Dieu a besoin qu'il puisse augmenter encore quelque chose en lui. Parce que Dieu aime ses enfants tel que tu es là. Dieu t'aime parce que tu avais choisi depuis longtemps. Te connaissais. Il dit que voici maintenant mon fils est là. Oh, mon enfant est là. Que j'ai choisi de lui-même. Dieu nous a choisis. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous aime et Dieu a besoin de nous. Ah, que Dieu vous bénisse ce soir, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore. Les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs. Nous pouvons les trouver. Nous pouvons les trouver dans notre livre d'Ésaïe, chapitre 33, et le verset 22. Ésaïe, chapitre 33, et le verset 22. Ésaïe, chapitre 33. Nous lisons Ésaïe chapitre 33, le verset 22 nous dit ceci. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? L'Éternel, il est notre juge. Bien-aimé ce soir, ne te néglige pas. Devant toi, il y a quelqu'un qui peut trancher le problème. Il ne demande même pas l'avis de quelqu'un d'autre. Mais il fait de lui-même. Parce que toi, tu es son fils. Alléluia. Il est notre juge. Il est notre juge. Il n'est pas juge de quelqu'un. Mais il est juge de ses enfants. Que Dieu nous bénisse ce soir. Il est juge de ses enfants. Bien-aimé Dieu. Il est juge de ses enfants. Qui est l'enfant de Dieu? Pour que Dieu, qu'il soit son juge. Qui est l'enfant de Dieu? Celui que Dieu veut être à côté de lui. Pour qu'il soit son juge. Qui est l'enfant de Dieu? Un juge. C'est celui qui sait comment trancher le problème. Si on amène un dossier pour dire que voici, il y a ça, il y a ça. Le juge est là. Il est en train d'écouter. Le plaignant et l'accusateur. Il écoute. À la fin de tout, il prend la parole. Il commence à trancher le problème. Alléluia. Dieu est notre juge. Il est notre juge. Là, nous avançons. Il dit ceci. Je suis votre roi. Il est notre roi. Le roi. Le roi. Si demain c'est moi devant un problème, même si le problème est très compliqué, le roi là, il vient seulement. Il regarde. Il dit, ça c'est un petit problème. Il n'y a pas de problème. Je sais ce que je dois faire. Parce qu'il y a des capacités en lui. Il y a des pouvoirs en lui. Parce qu'en lui, il y a toutes choses. C'est celui qu'on appelle un roi. C'est celui qu'on appelle un roi. Alléluia. Amen. Là, nous allons lire encore. Notre deuxième livre, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7, nous dit ceci. L'Éternel Dieu, l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Le pouvoir de Dieu. Les trois pouvoirs qu'il y a. Dieu dit ceci. Il a commencé par former l'homme. Il a la poussière de la terre. Il a commencé à former l'homme. De la poussière de la terre. Il a commencé à former l'homme. Quand il a commencé à former l'homme, cela ne suffit pas. Alléluia. Amen. La Bible nous ajoute. Il souffre des narines. Les souffles. Et l'homme devient un être vivant. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, la valeur de l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez la formation? Nous sommes différents. Les moyens. Les très clairs. Les cafés. Les noirs. Nous sommes différents. Là, c'est la formation de Dieu. Là, c'est la formation de Dieu. Oh, cela ne suffisait pas. Dieu a vu. Bien-aimé, la valeur de l'homme fait des vies. Dieu compte sur tout, sur les vivants, mort, pour eux c'est fini de pour finir. Dieu a besoin. Vivant. Parce que pourquoi? Kwa nini? C'est pas les souffles de vie. Dans les souffles de vie que Dieu a mis. C'est pour. Il faut. Il n'a pas chacun n'a coupé là. Si tu te rends. Ok, amouka subui. Tu te quittes, tu es vivant. Tu coto comme tu muzima. En toi il y a la vie. Na muna kuzi mandani yako. Dis merci à Dieu. C'est ma accent na mungu. Parce que c'est ça qui fait la valeur. Wamana ni ile na leta bei. C'est ça qui fait la. Ni ile na kupa bei. C'est le souffle que tu as. Parce que le souffle de vie, ça te permet de travailler. Le souffle de vie. Il permet de marcher. Le souffle de vie. Ce que tu peux faire, c'est le souffle de vie. Et en celui-là, c'est pour cela que Dieu a besoin d'un être vivant. D'un être vivant. Alléluia. Amen. Un vendredi de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que la vie que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Amen. Et Dieu n'y allait. Qui sait tout fait de vie que j'ai. Dieu qui m'a fait. Il m'a soutenu jusqu'à présent. Que je traverse. Mais souffle de vie à moi. Ça est toujours. Je suis. Je tombe malade. Je me guéris. Je problème. Mais dans la solution. Mais souffle de vie. Reste en toi. Ce soir. Tu es très reconnaissant. Vers ce Dieu-là. Qui t'a gagné, qui te protège, qui est toujours avec toi, lui qui garde les souffles de vie à lui, dans ses mains, c'est là où il y a toutes choses, c'est là où il y a ta vie, souffle de vie qui est en toi, les souffles de vie qui est en toi, les souffles de vie, les souffles de vie, c'est ça même le pouvoir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Oh, que Dieu nous bénisse ce soir. Oh, que Dieu nous bénisse ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Notre livre de Josué. Josué chapitre 1. Le verset 5. Jusqu'à 7. Josué chapitre 1. Le verset 5. Jusqu'à 7. Merci. On dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, est-ce qu'avec ça, tu ne peux pas acclamer Dieu? Est-ce que tu ne peux pas acclamer l'Éternel? Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à notre Éternel. Nul ne tiendra devant toi. Nul. Nul. Bien-aimé. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Après avoir Moïse, il est mort. Il y avait quelqu'un. Il n'y en avait pas quelqu'un pour conduire le peuple d'Israël. On a vérifié partout. On a vu Josué. Dieu lui-même, il a commencé par dire, Josué, je t'établis comme roi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai bien dit depuis le début. J'ai dit Dieu a besoin de vivants. Amen, amen. Amina. Dieu Mungu a besoin de vivants. Analazimisha wenye wanaishi. Josué. Joshua. Moi, Dieu, mie Mungu, je t'aimais. Nakuweka. Je prends mes pouvoirs. Abeba mamlaka yangu. Je mets en toi, Josué. Aweka ndani yako Joshua. Mes pouvoirs à moi, Dieu. Mamlaka yangu Mungu. Je mets en toi, Josué. Aweka ndani yako Joshua. Tout ce que tu vas faire, yote yenye utafanya, ça va réussir. Itafaulu. Amen, amen. Amen. Parce que moi, Dieu, kwa maana mie Mungu, je serai avec toi. Takuwa pamoja na. Je serai avec toi. Takuwa pamoja na. Je serai avec toi. Takuwa pamoja na we. Bien-aimé. Mpendwa. Dieu. Mungu. Si il te donne quelque chose. Akikupatia kitu fulani. S'il te dit de faire quelque chose. Akikuambia kufanya mambo fulani. Il ne faut pas refuser. Aipashe kukata. Toi. En. Va seulement. Faire ce que Dieu te demande à faire. Le reste, lui-même, va s'occuper. Alléluia. Amen. Lui-même, il va faire ce qu'il va faire. Parfois, Josué avait eu peur. Parce qu'il a vu Moïse. Kwa maana aliona Musa. Il était mort. Alfariki. Il dit, est-ce que moi, kasema eti mie, je vais réussir? Taweza. Mais Dieu a commencé par dire, lakini Mungu kanja kwa kumwambia, nul hakuna ne tiendra devant toi takuwa mbele yako, quand tu vivras. Wakati utakuwa mzima. Bien-aimé. Mupendwa. Ta vie là. Maisha yako. Il y a quelqu'un qui sécurise ta vie. Kuna mtu anaikinga. Ta santé là. Afya yako. Il y a quelqu'un qui sécurise ta santé. Kuna mtu anaikinga. Bien-aimé. Mupendwa. Il dit à Josué. Huyu Yoshua. Moi Dieu. Mie Mungu. Je te dis. Nakuambia. Va. Nenda. Dirige mon peuple. Ongoza taifa yako. Parce que nul. Kwa maana hamna mtu. Ne tiendra devant toi. Aweza simama mbele yako. Il ajoute. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Bien-aimé, travaillons pour Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous laissera pas nous seuls. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous quittera pas. Dieu il sera avec nous. Parce que c'est lui-même qui a le pouvoir. C'est lui-même qui compte sur nous. Il dit ceci. Hakuna ta moi. Il n'y a personne. Hakuna ta moi. Personne. Atashima mbele ya wewe Josué. Hakuna ta moi. Personne. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Nul. Hakuna. Nul. Hakuna. Ne tiendra devant toi. Mwenye atasimama mbele. Moi Dieu. Mie Mungu. Je serai avec toi. Kuwa pamoja na. Je serai avec toi. Kuwa pamoja na. Je serai avec toi. Kuwa pamoja na. Je serai avec toi. Kuwa pamoja na. Bien-aimé Dieu Mungu, est avec toi. Si tu travailles l'œuvre de Dieu, je t'assure que ce soir, Dieu Mungu, est avec toi. Dieu Mungu, est avec toi. Même si les hommes refusent, mais je t'assure, si tu as un Dieu à toi, Dieu est avec toi. Si tu as un Dieu à toi, Dieu est avec toi. C'est toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Bien-aimé Dieu est avec toi. Même si les hommes refusent, mais toi, prends seulement Dieu avec courage. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Travaille pour Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, il dit ceci. Moi, Dieu, je serai avec toi. Moi, Dieu, je serai avec toi. Moi, Dieu, je serai avec toi. Dans d'autres termes, Dieu veut dire ceci. Ule atakuya kinyume na Celui qui sera contre ce que je viens de dire va se rencontrer avec moi, Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu capable. Un Dieu qui nous sauve. Un Dieu qui nous sauve. Un Dieu qui nous sauve. Même si les histoires compliquent, je regarde les yeux vers le ciel. Je vois un Dieu qui m'a sauvé. Le Dieu qui m'a sauvé. J'ai dit, Seigneur, maintenant sauve-moi encore. Seigneur, sauve-moi encore. Seigneur, sauve-moi. Il exauce ma prière. Il commence par me sauver. Parce qu'il est mon sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Mungu atubariki tena. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Wapendwa, Mungu atubariki. J'aime ce soir. Jioni. J'aime ce soir. Penda tena jioni hii. Parce que je vois Dieu. Kwa maana niko naona Mungu. Est en train de faire de grandes choses. Leko nafanya bintu bikubwa. Dans la vie des hommes. Mu maisha ya bantu. Bien-aimé. Mpendwa. Dieu. Mungu. Reste Dieu. Anabakia Mungu. Dieu. Ne changera jamais. Ne changera jamais. Il dit à Josué, je traînerai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moi, Dieu, je serai avec toi. Oh, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est notre Dieu. Aujourd'hui, il est notre Dieu. Source féconde, comprenons que Dieu a besoin de quelqu'un. Parce que Dieu, il est avec nous. Il est notre Dieu. Il est notre sauveur. Il est notre législateur. Il est notre roi. Ce soir, Dieu a besoin de quelqu'un. C'est lui qui va seulement lui dire, Seigneur, me voici. J'ai un problème. Seigneur, j'ai un problème. Dans ma maison, j'ai un problème. Dans ma famille, j'ai un problème. Dans mon couple, j'ai un problème. Directement aux cieux, Dieu écoute. Parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il t'aime. Il a besoin de toi. Le souffle de vie qui est en toi, c'est bien lui qui t'avait donné ça. C'est lui qui compte sur toi. Même si tu marches, même si tu dors, le Dieu ne t'abandonne pas. Parce qu'il dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai point, je resterai avec toi comme j'étais avec Moïse. Bien-aimé ce soir, tu as besoin de quelqu'un, que Dieu a besoin, qui commence à diriger sa vie, qui commence encore à diriger sa vie. Oh, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un qui est d'accord avec Dieu, qui connaît la valeur de Dieu, qui connaît là où Dieu fait des choses. Mais ce soir, l'occasion est là. Quand tu es assis là-bas, ne perdez pas le temps. Bien-aimé, on nous dit que vendredi chine, c'est une signe, un signe de l'humiliation. Un signe de l'humiliation. Donc, tu te connais que tu es néant. Tu viens du néant. Donc, tu n'as rien. Tu es tiré à la poussière. Tu étais tiré à la poussière de la terre. C'est là où on t'a tiré. Oh, Dieu a mis le souffle de vie en toi. Aujourd'hui, on t'appelle papa de tel. Maman de tel. C'est parce que l'amour de Dieu est avec toi. Oh, l'amour de Dieu est avec toi. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Il dit à Josué, je serai avec toi. Quand tu vivras, moi Dieu, je serai avec toi. Quand tu vivras, moi Dieu, je serai avec toi. Oh, moi Dieu, je serai avec toi. Moi Dieu, je serai avec toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Nous allons lire rapidement notre dernier livre. C'est dans Zacharie, chapitre 3, le verset 1. Zacharie, chapitre 3, le verset 1, jusqu'à 7. Nous lisons. Zacharie chapitre 3. Zacharie sura ya 3. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oh, technique, technique. Fondi mitambo. Zacharie chapitre 3. Zacharie sura ya 3. Celui qui trouve peut-être peut nous lire rapidement. Zacharie, c'est presque le dernier, avant le dernier livre. Zacharie 3. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Ok, ça va? Dio. Il me fit voir Josué, basi akani onesha Yoshua, le souverain sacrificateur, mkuwani mkuu, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. Le même Josué, que Dieu a dit, je serai avec toi. Un jour, on part l'accuser. On dit ceci. Wakasema hivi. Si tu continues à lire, ukiendelea mkusoma, on présente Josué wakamtambulisha Yoshua avec les habits sales. Pamoja tena mavazi ya chafu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a commencé par dire à Satan. Mungu akaanza kwa kusema na Shetani. Toi Satan. Wewe Shetani. Je te réprime. Basi na kufukuza. Alléluia. Amina. Bien-aimé. Mpendwa. Il faut avoir pasha kuwa les choses de Dieu en nous. Bitu bya Mungu ndani. Si tu fais seulement quelque chose de mauvais, kifanya tu kitu kimoya kibaya, Satan est prêt. Shetani yeye ko tayari. Pour t'accuser. Kwa ajili ya kuchongelea. Alléluia. Amina. On présente Josué. Basi wakaonesha mtu wa Yoshua. Devant l'Éternel. Mbele wa milele. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'ange de Dieu était là. Malaika wa milele. Satan aussi était là. Shetani naye alikuwa pale. Mais c'est Satan qui a commencé. Lakini Shetani kaanza. Pour dire à Dieu. Kwa kusema na Mungu. Voilà. Tazama. Celui que tu dis que c'est ton serviteur. Mwenye unaita kama mtumishi wako. Voilà la vie qui a porté. C'est sale. Bien-aimé. Pendwa. Dieu a dit ceci. Basi Mungu kasema hivi. L'ange qui était à côté. Malaika mwenye alikuwa pembeni. Il dit à celle qui était autour de Josué. Akasema na wote walikuwa kando kando na Yoshua. Enlève Josué ses habits. Basi mtowe Yoshua mavazi yale. Mumufarike mangua ya karamu ya fête. Habillez-lui des habits d'une fête. Bien-aimé. Apendwa. Mungu asipende akone mubuchafu. Je n'ai pas besoin de te voir dans des choses sales. Parce que oui. Parce que toi. Tu es l'enfant de Dieu. Comme toi, toi, Mungu. Même si Satan t'accuse. Atakama Shetani amekustaki. Dieu, il sait comment il va justifier ses problèmes. Lui-même, il va en finir. Parce que c'est lui le Dieu. C'est ton Dieu à toi. Même si Satan t'accuse devant lui, mais lui-même, il va s'en occuper de toi. Il va s'en occuper de toi. Bien-aimé. craignons Dieu, marchons dans la chrétienté de Dieu, même si Satan nous acquise, mais Dieu, il va intervenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as les choses de Satan, c'est facile que Satan puisse jouer de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On présente Josué. On est chez Yeshua. Devant Dieu. Bélé. Devant l'Éternel. Bélé Amilele. Pour dire que. Quoi que c'est, moi. Ce monsieur-ci. Uyumuntu. C'était la vie qui était sale. Ni ma vase tout le corps, chef. Mais selon Dieu. La kine kufatana na mungu. A vu celui. Et c'est, il a vu ce qui était en Josué. Alkona ona ilel kwandani Yeshua. Parce qu'auparavant là, mana, c'est Dieu lui-même qui avait dit, ni mungu nul ne tiendra devant toi quand tu vivras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Banduku. Bien-aimé. Ula tashima manjwa maisha yako. Celui qui va se tenir. Akutane na Mungu wako. Qui sera contre. Oh, ce soir. Dion. Celui qui va s'opposer. Ula tajipinga. Celui qui va s'opposer seulement de toi. Nawe. Toi. Nawe. Reste fidèle. Devant ton Dieu. Ya Mungu. Parce que le Satan. Nous acquise jour et nuit. Pour dire que Seigneur. Kwa kusema Mungu. Voici. Tazama. Voici. Tazama. Celui que tu appelles ton Mwenye fils. Celui que tu appelles ta fille. Mwenye unaita Seigneur Mwenye. Voici. Tazama. Voici comment qu'il a fait. Ceci. Mais Dieu lui-même, il voit en toi. Il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Il connaît tout ce que tu fais. Toi, reste fidèle. Même si on t'acquise, Dieu lui-même va s'occuper. Alléluia. On nous a beaucoup acquisé. Il y a des maladies qui viennent. Il n'a pas bamba. Ça t'arrive comme ça. Aouji weze tena. Tu n'arrives plus encore. Tu n'as pas de force. Auna na nguvu. Il est malari. Alors cette maladie. Il la tafuta ikupeleke pak. Qui cherche à t'amener toujours. Njua kupoteshe. Pour te faire périr. Il est bouchime na kuyandani. La vie qui est. Oh, ce soir. Mangaribia leo. Paka ile malari. Toujours la même maladie. Nous allons déclarer. Tout attangaza. Tout asema mu. Nous allons dire. Je refuse. Na katala. Avec cette maladie. Na imagonjwa. Ina ni chongesa. Tellement accusé. Oh, moi na mina jua. Yahweh, je sais. Mina jua mie. C'est moi. Mina tembea muboka bwako. Je marche dans ta crainte. Mina kufanisha mapenzi Mungu. Je fais ta volonté. Ce soir, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Bien-aimé, ce soir, nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui ne joue jamais. Même si les problèmes semblent être très difficiles. Mais Dieu du ciel a besoin de toi. A besoin de toi. Il veut que toi parle seulement. Dis seulement un mot. Que Seigneur, sauve-moi. Seigneur. Arrache-moi, Seigneur. Arrache-moi, Seigneur. Arrache-moi. Bien, mais nous allons prier. Tout à omba. Nous allons prier. Tu n'as peine d'acoumba. Nous allons prier. Tu n'as peine d'acoumba. Oh, nous allons prier. Peine d'acoumba. Bien, mais nous sommes acquisés. Nous sommes acquisés. Tu me chongele. Nous sommes acquisés. Tu me chongele. Oh, il a fait ça. Fanya if. Il a fait ça. Fanya if. Il a fait ça. Fanya if. Mais les juges, les juges, les juges, les juges, les juges, c'est notre Seigneur Jésus. Oh, il est là pour toi. Il t'aime. Il va juger ton problème. Oh, tout ce que tu vois là, c'est rien. Les problèmes, sois seulement fidèle à Dieu. Toi, connais seulement que tu as un Dieu vivant. C'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui n'oublie jamais les bienfaits de l'homme. Bien-aimé, Josué a compris une chose. Il a dit ceci, Seigneur. Souviens-toi de moi. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi le courage. Seigneur, ne m'arrête pas. Avance avec moi. Bien-aimé, ce soir, nous sommes accusés. Nous sommes accusés. Oh, on a fait un mambo fulani. Oh, tu as fait quel problème? Bandu kuri fanya mambo fulani. Mungu wa kumbingu. Aone roho yako. Aone kile wiko wewe. Peut-être tu es innocent. De tout ce qu'on t'a accusé là. Tu es innocent. Ce que tu as fait, c'est toi. Que tu marches seulement selon sa volonté. Que tu fais tout ce que tu demandes. Que tu es fidèle. Parce que Dieu, il regarde seulement le cœur de l'homme. Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous voyons là. Mais Dieu, connais bien ton cœur. Connais bien ton cœur. Connais bien ton cœur. Comment tu marches? Comment tu marches avec lui? Comment tu marches avec lui? Oh, ce soir. Oh, ce soir. Ce soir. Ce soir. Nous avons un Dieu qui juge. Un Dieu qui juge. Il n'a pas de parti pris. Il est là pour juger les problèmes. Il tranche les problèmes selon lui-même. Il fait des choses selon lui-même. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma vie. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi. Parce que je suis accusé. Dans ma famille, je suis accusé. Dans mon foyer, je suis accusé. Dans mes études, je suis accusé. Dans mes affaires, je suis accusé. Oh, ce soir, le Dieu qui te connaît bien, le Dieu qui a le souffle de vie, le Dieu qui a toutes choses à lui, a besoin de toi. Bien-aimé! Bien-aimé, est-ce que tu peux lever la voix? Tu peux lever ta voix. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. C'est un vendredi de prière. Bien-aimé, nous voulons demander à Dieu. Nous voulons demander à Dieu. Nous voulons demander à Dieu. Que Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire. Oh Père. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Père, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi, Père. Oh, Dieu, souviens-toi de moi. Parce que tu es Dieu. Il n'est comme toi, Père. Il n'est comme toi, Yahweh. Et il n'est comme toi. Papa, souviens-toi de moi ce soir. Papa, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Père, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, je suis accusé. Je suis accusé, Seigneur. Je suis accusé, Père. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi ce soir. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de moi, Yahweh, parce que tu es Dieu. Papa, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Oh, Dieu de gloire. Papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Père. Père, souviens-toi de moi.

au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour cette église. Bien-aimés, on a acquis cette église. On a acquis cette église. Dans le monde des ténèbres, on a acquis cette église. Dans cette ville délicate, on a acquis cette église. Là, nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu que Dieu, ou Koutane Naoule Hote, a récité à Kanisaï, Massemou Moubal, Mandaribi Ale, à Koutane Naoule Hote, à Koutane Naoule Hote, à Koutane Naoule Hote. Oh, tu vas prier, tu vas prier. Oh, Dieu de gloire. Papa, il n'y a que toi. Seigneur, c'est toi qui connais cette église. C'est toi qui connais cette église, Seigneur. Père, tu connais cette église. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de cette église. Souviens-toi de cette église, Seigneur. Souviens-toi de cette église. C'est dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ton église. Oh Dieu, souviens-toi de ton église. Bien-aimé, tu vas commencer par dire merci à ton Dieu. Tu dis que Seigneur, merci. Parce que je sais que tu as exaucé ma prière de ce soir. Je sais que ma famille sera sauvée. Oh, mon enfant sera sauvé. Oh, je sais que ma femme sera sauvée. Tu vas remercier ton Dieu. Tu vas dire Seigneur, merci pour cette prière. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci au nom de Jésus. Oh papa, merci. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Père, tu es capable. Oh Dieu, nous te disons merci. Dans toutes les choses, tu es Dieu. Et tu resteras Dieu Seigneur. Sans toi Dieu, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que ce soir, nos yeux sont levés à toi.